seven, six, five, four, three, two, one. Pour un nouveau numéro de l'Asile le plus dur sur antenne du 94 MHz, émission évidemment écoutable à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Et ça y est, c'est chose faite, l'Asile en ligne reprend du service avec pas moins de 4 nouveaux épisodes. Voilà, on a à peu près juste 4-5 semaines de retard sur la diffusion en herzien. En tout cas, vous pouvez écouter les 180 dernières émissions de l'Asile le plus sûr, c'est-à-dire donc à peu près depuis l'année 2013, démarrage de ce même blog ainsi que du mixcloud.com/redman. Et vous pouvez toujours aller vous plaindre à la direction, en tout cas on ne lâche rien, la volonté de l'Asile sera inébranlable. Et donc ce soir, évidemment, soirée un peu exceptionnelle puisque nous sommes face à un show télé assez calamiteux. Donc voilà, pour tous ceux qui sont allés voir la tête à Macron, ils n'auront pas la chance d'écouter les sélections ensoleillées de l'Asile, qui va démarrer avec cette semaine un programme un peu guiré, voilà, pour fêter le printemps avec un groupe danois, ce qui est assez régulier dans l'Asile le plus sûr. Celui-ci s'appelle tout bonnement le Addis Abba Band, et c'est un groupe qui pratique le free funk matinée de musique éthiopo jazz de manière très très enlevée. Ils ont sorti un vinyle en autoproduction ces dernières semaines, donc c'est disponible d'ailleurs et écoutable à partir de leur Bandcamp, addisabababand.com. Alors je ne sais pas du tout s'ils sont allés faire une tournée en Éthiopie, en tout cas ils sont 13 avec pas mal de soufflants, de cuivre, des claviers, également de la guitare assez acérée. Ça déménage plutôt sacrément. On écoute le titre Pangea de ce Addis Abba Band. voilà, le printemps dans l'asile, ce que ça fait. On a démarré avec la formation Addis Ababa Band. Voilà. Toujours du mal à savoir combien de bas dans le nom de ce groupe. Donc un excellent combo danois, 13 pièces, comme on dit, avec pas mal de soufflants, des claviers aussi très très électriques pour ce disque éponyme publié par leurs propres soins en autoproduction. C'est sorti en ce début d'année 2017 et en fait il s'agit d'une réédition d'un opus, de leur premier opus qui était sorti en 2015, mais de manière un tantinet plus confidentielle. C'est sorti en ce mois de mars 2017 et c'est écoutable d'ailleurs à partir de leur Bandcamp, donc ça va faire encore un bas en plus pour ce combo de Copenhague. Et on a enchaîné avec la musique du bassiste d'Oslo, Eivind Opsvig, et son Overseas numéro 5, publié par le Loyal Label, ou le Label Loyal, comme vous préférez, sur lequel on retrouve du beau monde. Brandon Seabrook est à la guitare électrique, Tony Malaby au sax ténor, et puis également un excellent batteur, Kenny Wolsen. Et il y a pas mal de claviers et d'électronique qui sont joués par ce contrebassiste qu'on a pu entendre aux côtés de pas mal de gens des scènes jazz impro, notamment tout autant aux côtés de Anthony Braxton que des projets de Net Woolly, de Okyung Lee également, et puis quantité d'autres musiciens. Je crois qu'il vit à New York, c'est peut-être pour ça que ça sonnait aussi funk des années 70. Il a peut-être regardé un petit peu trop les épisodes de Starsky Hutch quand il était gamin aussi, cet homme-là. En tout cas, donc, c'est la cinquième série de ce qu'il peut produire sous son propre nom pour ce musicien très très chouette qui joue aussi aux côtés de John Irabagon, puis de pas mal de projets de Tony Malaby. Donc ça sonne à peu près, ça dépend, les plages sont assez différentes, mais globalement une ambiance un peu free funk avec pas mal de recherches aussi sur ce disque qui s'intitule Overseas numéro 5 de monsieur Eivind Opsvig. On va enchaîner avec une formation cette fois de la Botte. Alors je crois qu'ils sont d'Émilie, la région d'Émilie-Romagne. Il s'agit de Julie's Haircut, qui est un vieux groupe. Ils existent depuis le milieu des années 90. Ils ont collaboré avec à peu près tout ce qui bouge dans la stratosphère du rock de traverse, tout autant pour des jams aux côtés de l'ex-chanteur de Cannes, Damo Suzuki, que de Sonic Boom, l'excellent Sonic Boom, qui lui aussi collabore avec à peu près tout ce qui bouge et qui a fait partie des Spaceman Tree, bien évidemment. Il y a aussi une collaboration de cette formation Julie Haircut avec Philippe Corner, artiste Fluxus. Donc ça part un peu dans tous les sens pour ces gens-là qui viennent de faire paraître leur septième disque à ce jour sous le nom de Invocation and Ritual Dance of My Demon Twin, sorti par les bons soins de Rocket Recordings. Alors j'ai pas du tout écouté ce que ça donnait les précédents albums. Apparemment ils ont eu une période un peu garage psyché au début, puis ils se sont tournés vers pas mal d'expérimentations assez psychédéliques. C'est plutôt assez réussi la musique qu'ils pratiquent. On écoute un extrait de ce disque de Julie's Haircut et le morceau The Fire Sermon. We'll be right back. Du vrai funk qui dépote dans l'asile le plus sûr. On a démarré avec la formation Julie's Haircut et son Invocation and Ritual Dance of My Demon Twin pour cette formation élevée à l'huile de ricin et au psychédélisme un peu obscur, un peu occulte à l'italienne. Et donc une formation qui d'ailleurs se revendique également de la musique de Mercury Rêve, ou tout autant que celle de Miles Davis par exemple, ou de Amon Jule 2, et donc un disque sous le nom de Invocation and Ritual Dance of My Demon Twin, qui se veut une sorte de double hommage en forme de double hélice, comme ils nous disent, à Frank Zappa ainsi qu'à Kenneth Anger. D'ailleurs, c'était un film de Monsieur Anger de la fin des années 60, ce fameux Invocation of My Demon Brother, qui a été assez important pour le psychédélisme de la fin 60, début des années 70. Musique qui me faisait pas mal penser aussi au Master Musicians of Bukeke. Ça me donne envie de réécouter d'ailleurs leurs 6 précédents albums qui ont précédé donc ce nouvel opus qui est sorti aux éditions Rocket Recordings. C'est la première fois que ce label produit les Julie's Haircut, et c'est une très très bonne idée, je dois dire. Et on a enchaîné avec la formation Torchlus Panic, la bien nommée, qui est une formation cette fois totalement tchèque, avec un disque, c'est le nom du disque, Torchlus Panic, pardon, et la formation c'est Poisonous Frequencies, sorte de mélange entre rock, noise et improvisation. C'est sorti en vinyle il y a peu sous étiquette tchèque Meteorismo Records. Et donc un disque plutôt assez réussi, qui est d'ailleurs distribué par le label et distributeur Metamkin, j'en perds ma voix, et qui réunit le batteur Didi Kern, le guitariste Tomislav Federsel, deux musiciens totalement inconnus. Quant au trompettiste, lui, on l'a entendu dans pas mal de choses ces dernières années, notamment aux côtés de Franz Hunsinger et de Isabelle Dutoit sur un très bon disque qu'on vous avait proposé dans les îles le plus sûr en 2015 aux éditions Corvo Records. Il est sorti aussi des choses sur le label britannique Another Timbre, notamment aux côtés de George Cremachi et Irène Keppel. Et donc ce Poisonous Frequencies, qui est une, peut-être ce qu'il fait de plus rock, si tant est qu'on puisse appeler ça du rock, peut-être du free rock improvisé, allez, on va dire ça. Et on va enchaîner avec la musique de monsieur Jan Andersen et son projet Tomu Tontu, qui existe depuis le début, le milieu des années 2000. Lui qui est aussi un membre éminent de la formation Kemialiset Istavat, qui elle existe depuis le milieu des années 90, si je ne m'abuse. Et donc Jan Andersen avec ce Tomu Tontu se produit depuis quelques années, et quelques disques qui sont sortis, notamment des très très belles choses aux éditions Beta Lactam Ring Records, ou encore sur le label de Hambourg Decorder. Et il est de retour en ce printemps 2017 avec un nouvel opus sous le nom de Kevat Jula, sorti par son camarade Luc Younger, le britannique, et son étiquette Alter Records. On vous a déjà proposé un titre il y a de ça quelques semaines, le morceau inaugural de ce nouvel opus, et je propose d'écouter un titre peut-être un tantinet plus dans l'air du temps que ce qu'il peut produire depuis les débuts de Tomu Tontu, une musique qui mélange une sorte de musique un peu cartoonesque ou de la musique électronique sous acide. On écoute un extrait donc de cet excellent nouvel album de Tomu Tontu, avec un bout d'une suite qui répond au nom de Kuten Valun. Le morceau, c'est trop bon, Sailesu. Voilà, je ne sais pas si je prononce très très bien le finnois, vous aurez corrigé de vous-même. Thank you. We'll be right back. Voilà ce qui peut arriver quand on consomme trop de Guronzan et qu'on se met à faire la vaisselle. Vous êtes dans l'asile le plus sûr avec ce 3 titres enchaînés de ce disque People Pleaser du batteur percussionniste australo-nantais Will Guthrie, son nouvel opus, le tout nouvel album de Will Guthrie publié par l'étiquette de son compatriote Oren Ambarchi, Black Truffle. Alors un disque assez incroyable, bon, une sorte de collage sonore dans le pur style depuis bon, les collages de John Cage à l'époque de Variation 4 par exemple, jusqu'au collage des producteurs du hip-hop tels que RZA ou encore Jay Dilla. Donc un disque très très différent de ce que Will peut produire depuis quelques années, notamment ses solos de percussions et de batterie, notamment les disques Snake Eyes, Sticks, Stones and Breaking Bones et autres sacrées obsessions qu'il avait sorti il y a de ça 2 ans aux éditions Ideal Recordings. Donc un disque plutôt de collage mais de musique glanée un peu partout. Alors, il y a du Field Recordings, des détritus de son, on reconnaît d'ailleurs 2-3 choses. C'est aussi un peu une manière pour lui de renouer avec l'électroacoustique et l'électronique. Alors c'est assez agressif dans le son, en tout cas dans les 3 titres enchaînés qu'on entendait qui terminaient cet opus, mais qui est vraiment très très bon. Je l'ai écouté vraiment en boucle les jours derniers, tout le week-end dernier, et c'est vraiment très très chouette. Il y a des morceaux un poil plus calme, en tout cas c'est un tantinet plus dans un registre collage électroacoustique. Il n'y a pas du tout de pièces d'impro, percussion, batterie cette fois-ci. Donc une sorte de musique concrète et assez urbaine pour la musique de Monsieur Will Guthrie, qui était précédé par la musique de Monsieur Ian Anderson alias Tomu Tantu, bon, qui lui aussi aime beaucoup les jeux percussifs filtrés par l'électronique, notamment sur ce nouvel album sous le nom de Kavat Chula, publié par Alter Records, les deux disques sortant bon, à peu près au même moment ces jours-ci. Voilà, on va enchaîner avec un projet bon, qu'on n'a pas pratiqué du tout. Bon, c'est assez normal puisque c'est quelque chose d'assez underground, une musique électronique assez étonnante qui nous vient de Hambourg, comme pas mal des musiques électroniques contemporaines d'ailleurs. Il s'agit du projet de Monsieur Philippe Meyers et son alias Chech in China, avec lequel il a sorti des disques plutôt de manière assez confidentielle. Une première cassette en 2014, également 2-3 autres opus par la suite, mais toujours de manière assez confidentielle jusqu'à ce disque qui est sorti à l'été 2016, l'album éponyme. Hein, il s'embête pas trop avec les titres de ses productions, ce Chech in China. Donc un LP produit par l'étiquette VIS, qui produit plutôt des musiques d'électronique industrielle, label dans lequel on peut retrouver des gens tels que Nina et autres, Stratos Bitchakis, pour de la musique grecque qui vient de sortir il y a peu aux éditions VIS. Et donc ce disque de Chech in China, bon, la plupart des morceaux sont très très bons de ce disque, et je me suis dit que j'allais vous passer un morceau peut-être un poil plus électro dans l'air du temps, mais c'est plutôt très très bon comme la plupart de ces morceaux de ce premier opus éponyme. On écoute le Chech in China dans l'asile le plus sûr.

De la sono mondiale qui gratouille sont dans l'asile le plus sûr. On a démarré avec le Chech in China et son LP produit il y a de ça quelques mois, au milieu de l'année 2016. Ce disque éponyme par ce hambourgeois produit par un label de Hambourg, VIS. Je ne me risquerai pas à le prononcer à l'allemande. Donc un projet d'un musicien pas très connu, mais qui fait des choses plutôt assez intéressantes, Philippe Meyers. Voilà donc pour cette pièce qui démarrait la séquence. Après, on a enchaîné avec un 45 tours qui va sortir dans quelques semaines sur étiquette Blackest Ever Black, le label qui produit principalement de la musique électronique un peu industrielle, mais aussi quelques bizarreries et choses plutôt surprenantes, à l'image de ce trio qui réunissait Jacques Bérocal, David Fenech et Vincent Eplet, avec un peu la suite du disque long qu'ils avaient sorti en 2015 sous le titre Anti-Gravity. Donc là, trois pièces qui sont plutôt assez intéressantes, très différentes les unes des autres pour ce petit 45 tours en tirage limité à 300 exemplaires qui va sortir au mois d'avril sur étiquette Blackest Ever Black. Donc toujours la guitare électrique et les différents instruments préparés par monsieur Fenech en compagnie de ses camarades de jeu Vincent Eplet au synthé, percussion et autres bizarreries sonores, et Jacques Bérocal avec ses trompettes, conques, orgues et sa voix assez hallucinatoire. Ça fait pas mal penser à des petits disques qu'avait sorti aussi Jacques Bérocal. Je pense notamment au disque Flash et autres mini-albums. Voilà donc pour ce 45 tours qui répond au nom de Why. Et on a terminé la séquence avec la musique de monsieur Laurent Jeannot, alias le King Gong, qui se produit sous cet alias depuis une bonne douzaine d'années, avec quantité de bandes. Il a sorti énormément de choses de ses disques de Field Recordings, lui qui parcourt le monde entier à l'écoute des ethnies et des peuples oubliés. Je pense à pas mal de choses qu'il a enregistrées, notamment en Chine, également au Tibet, au Laos, au Cambodge, également au Vietnam, en Corée, donc pas mal l'Asie du Sud-Est. C'est d'ailleurs le thème de ce nouvel opus qui répond au nom de Imar Zelos, Asian Variations for Saz, Kura and Tambour, qui vient de sortir sur étiquette 10 Discrépante, le label de la perfide Albion, qui produit des choses telles que Malayin et autres musiques un peu nouvelles dans le domaine ethnique. Et le King Gong, donc, ils ont déjà sorti 4-5 albums de monsieur Laurent Jeannot. Et celui-ci donc ne déroge pas à la règle, toujours un mélange de captation sonore sur place qu'il recustomise avec des sons à lui, du traitement sonore dans tous les sens. Et ça donne un disque assez poétique de la musique ethnique nouvelle, une sorte de paysage et de musique de folklore imaginaire, passé par le prisme des oreilles de monsieur Jeannot. Voilà pour King Gong, très très beau disque avec une excellente pochette et les titres sont assez magnifiques à l'image de celui qu'on entendait, le double vent traverse les oreilles. Il y a des titres tels que La grue blanche déploie ses ailes ou encore Saisir l'anguille au fond de la mer. Voilà donc, ou encore Le coq d'or se tient sur une patte. Je ne me lasse pas des intitulés des morceaux de ce nouveau King Gong. On va enchaîner avec un trio avec deux musiciens qu'on a déjà rencontrés dans pas mal de configurations, mais jamais tous les trois réunis sous un même toit. Et il s'agit des deux Suédois Martin Kutchen au saxophone, qu'on a connu dans quantité de projets et qu'on vous a passé notamment dans Angels 9 assez récemment avec un disque aux éditions Clean Feed. Il est aux côtés du bassiste du Fire, Johan Bersling, et de Steve Noble, le percussionniste peut-être le plus productif de sa génération de la scène impro free anglaise. Et ce trio vient de sortir un disque aux éditions polonaises Trotst sous le nom Threnody at the Gates, et ça envoie du petit bois. On écoute le titre qui démarre ce Threnody at the Gates avec le Gate Number 4. We'll be right back. Thank you. Ah, ça crépite. Voilà donc les deux derniers titres de l'Asile le plus sûr, avec à l'instant un très beau disque de Martin Kutchen en compagnie de Johan Bersling et de Steve Noble. Un excellent trio sous le titre Swedody at the Gates, publié par l'étiquette polonaise Trotst Records. Et on a terminé avec le Koelbeck Ensemble et son fameux Hypotigri Zebra Zebra, avec cette pochette zébré du premier LP qu'ils avaient sorti en 1971 aux éditions Sarava. Voilà le projet qui réunissait les saxo-clarinettistes Jean Cohen et Evan Chandly en compagnie des frangins Metchali, Jean-Louis et François à la batterie et à la contrebasse, et le claviériste Dominique Elbaz. Donc un disque qui n'avait pas été réédité à ma connaissance depuis, c'était même pas 71, c'était 69, ce Hypotigri Zebra Zebra que je vous ai retrouvé assez difficilement d'ailleurs dans ma discothèque. Et le suivant qui s'intitulait Next en 71, ils avaient sorti aussi un live sous le nom de, sous le titre 5 octobre 1974. Et ces trois disques sont réunis grâce à l'excellent disquaire et label parisien Souffle Continue Records, qui réédite ces trois opus de cette formation très très méconnue du jazz free français, qui n'avait pas sorti de disque aux éditions Big Actuel, et pourtant ils auraient pu. Ils sont donc allés chez La Dissidence avec le label de Pierre Barou, Sarava, et pourtant c'est une musique qui fleure bon l'époque Big Actuel. On pense à Archie Shep, on pense à Graham Moncure III, on pense à pas mal de ces musiciens jazz américain qui résidait en France à la fin des années 60, et puis aussi pas mal la folie des années 70 dans les compositions du Koelbeck Ensemble, qui enregistrait pas mal dans les parcs et jardins publics de manière sauvage pendant les 4 ou 5 années de leur existence. Et c'était aussi la grande époque des collectifs du jazz free français, je pense au Dharma Group et autres groupes totalement passé sous le boisseau, qui n'ont pas eu la chance d'enregistrer à l'image du Koelbeck Ensemble. Voilà, l'émission L'Asile le plus sûr est quasi terminée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des playlists et des podcasts à partir du blog asile35.blogspot.fr. Et on va se quitter avec un dernier album. Il s'agit d'un disque produit par le label et distributeur de Cologne Amusic, et c'est le la propre production de monsieur Anthony Moore, l'ex ou ancien Slapapi. Slapapi qui s'est reformé d'ailleurs en février pour une série de concerts, ou au moins un concert à Londres, je ne sais plus trop. En tout cas, il y a des vidéos qui figurent sur internet. Anthony Moore, qui a été aussi l'un des compositeurs de Pink Floyd au milieu des années 70, et qui a sorti assez régulièrement des disques sous son nom, toujours des disques assez étonnant, à l'image de ce Anthony Moore and the Missing Present Band, et ce titre The Present is Missing, qui va faire une très très belle conclusion à l'émission de cette semaine. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine, donc à bientôt. March, Friday, session 1-1, start around 5 minutes. German radio, around 7 minutes. Friday, session 1-2. First, 1:11, cut out. Friday, 3, long to rumble. Sunday, 1:01, routine interruptions. As a beginning, a booting up at 13 vox effected by plug-in 1545 my old tape piece Sunday 1-2 bass throb at 2:30-ish quiet with soundscape like end of Sunday 1-1 Sunday 1-3 rather like the silvery vox could be used with mercury acoustic delay lines or something Sunday 1-4 starts quiet gets loud Thursday 1 start vox 4:05 quite nice from 12-ish ending with chords Thursday 2 D likes beginning first experiment distorted voice not understandable two monos beating mains hum the missing present Thiele and Kehlkopf lots of floating past present etc future etc Kehlkopf alone sounds speech semi-understandable Urgeräusche Rilke, Thiele, and Schalldose. This is with the sound box that I broke. Some distorted, more or less, non-understandable vox. Via a crystal test. Crystal experiments second. Mercury acoustic delay lines and Thiele. The 1-6 mercury acoustic delay line experiments. D's march. Solo. Talking voice. D. Solo 2 Tuesday spectral experiments Turing's mercury acoustic delay lines voice through D's processing semi-understandable more D process Spectral contrast, non-understandable. More D, spectral fusion. The machine tries to speak. Piezosphere 3. Sounds interesting, slowed. See reworked Wednesday 29th. Piezosphere 4. Trombone. This has three layers. Increasingly deep in pitch. plus piezosphere 1 added 2. Loud D experiment. Recording 26. Heating contact, mic 1. Heating contact, mic 2. Thursday. Speech transients to 4 systems. The HG play, a series of fragmented, short duration signals. 716, good. July, Friday, sessions only. Saturday, Rode and contact. Schertler. The Schertler connected to the arm of the gramophone. Clean voice. New text with Schertler and NTS-5 mic. High squeaks and the turntable revolving. Chua 1 EQ ref take. Now trying Sphere 3 reamped through TG synth. This now done. One pass of the octave lower Sphere 3. This now done. Thank you. chandelle saute, yeah. Trippy on trick. Why so many colors in my brain? And Cosby was in the dark. Why? Why? Why? Why so many police in my place? What is burning in my heart? Well, all sex have gone on pornography. Why so many dogs at my window? How many walls at my door? Why are we so strange tonight? Why? Why? Why? Why Sunday I so say 3 p.m. Saturday and the words got in my mind, got in my mind. We'll be right back. Oh!

Stop. Et...